Chapitre quatrième. Monsieur Serpier était de fort méchante humeur. Dire que quelqu'un qu'il est rudement fort signifie que l'on est soi-même rudement faible, grommela-t-il. Enfin, continuez, Korf. Oh, chef, j'ai pourtant fait de mon mieux. Donc j'étais agenouillé dans mon taxi, l'œil collé à la petite lucarne du fond, à travers laquelle je ne perdais pas de vue la porte de la morgue, lorsque je vois mon Anglais sortir. Mais au lieu de se diriger vers sa voiture, il court vers mon taxi. D'abord, je pense qu'il se trompe. Mais non ! Il ouvre ma portière et me crie « Mr. Korf, l'homme qui portait mon nom, on l'a enlevé !» Moi, je suis tellement étonné que je ne songe pas à lui demander comment il a pu deviner que j'étais dans le taxi. Je saute sur le trottoir, je suis l'Anglais, je rentre à la morgue, j'aperçois Clément, le concierge, je lui demande ce qui s'est passé. « Mais rien du tout, Monsieur Korf, me répondit-il. C'est cet Anglais qui veut voir le type qu'on a apporté de la préfecture ce matin pour l'autopsie. Il n'est plus ici. Un fourgon mortuaire est venu le chercher avec un permis d'inhumer en règle et une note du substitut du procureur, et cela juste au moment où l'on allait pratiquer l'autopsie. Fallait voir la tête du docteur Fraudet. Moi, je l'ai laissé partir, voilà. » Je me fis montrer la note du parquet. Elle était en règle, mais portait une signature qui n'était pas celle du substitut. Un faux, enfin. En tous les cas, le corps, il était loin. Je sortis, je téléphonai au parquet. L'on me confirma qu'aucune note n'avait été envoyée. Ah, j'oubliais de vous dire qu'en sortant de la morgue, Joey Blanquette m'avait filé entre les mains. « Si, vous nous l'avez déjà dit, » maugréa M. Serpier. « Ah oui. Eh bien, après avoir téléphoné au parquet, je téléphonais ici. Et voilà. »« Et voilà, » répéta M. Serpier ironique. « Du beau travail, vraiment. » « Je regrette de vous le dire, mon garçon, mais si vous ne vous réhabilitez pas prochainement, je ne vous donne pas deux sous de votre avenir chez nous. »« Chef, donnez-moi l'affaire. Vous verrez que je rattraperai l'Anglais et les autres. » Monsieur Serpier ne répondit pas tout de suite. Il savait que Korf était un des meilleurs agents et était bien décidé à lui laisser la mission de retrouver Joey Blanquette. Mais il voulait que la leçon lui profitât. Korf, son chapeau en main, attendait l'arrêt, comme un écolier pris en faute. « Je veux vous faire confiance, mon garçon, » répondit enfin M. Serpier. « Tâchez de ne pas me le faire regretter. » « Pour commencer, je vais vous confier ce que nous savons sur l'Anglais et sur l'affaire qu'il a amenée ici. C'est assez compliqué. D'autant plus compliqué que le cadavre a disparu. Écoutez-moi bien et demandez-moi des explications si je ne suis pas suffisamment clair. » Et le chef de la sûreté, posément, fit le récit de la visite du premier Joey Blanquette, de ses explications, de sa mort, de l'arrivée du second et ce qui s'en était suivi. « Votre avis sur tout cela ?» termina M. Serpier. « Je me demande, chef, si les deux Blanquettes, le mort et le vivant, n'étaient pas d'accord. Et même s'ils ne sont pas complices avec cet autodrôle, ils se sont peut-être disputés, autodrôle en a empoisonné un qui voulait le dénoncer et qui était associé avec l'autre. Du roman, tout cela. Ne vous emballez pas. L'imagination ne vaut rien dans notre métier, » fit M. Serpier. « Quand allez-vous commencer ?»« Mais, chef, par rechercher autodrôle. C'est le seul sur qui nous ayons des précisions. Il est allé au comptoir général ce matin. J'ai son signalement. C'est quelque chose. Et puis j'irai au gigantique palace. » « Agissez au mieux et distinguez-vous, » conclut le chef de la sûreté. « Bougenay, vous ferez le nécessaire pour prévenir les services compétents. Je vais dîner et je reviens. Et vous, Korf, bonne chance. »« Je l'espère, chef, » fit l'inspecteur qui, sur ces mots, prit congé des deux hommes. Une brume glaciale flottait sur le quai des Orfèvres lorsque Jérôme Korf y arriva. À pas rapide, il se dirigea vers la place Saint-Michel dans le but d'aller tout simplement dîner. Pour l'instant, il ne pouvait rien. Il fallait attendre le lendemain. Assis devant une petite table dans un bouillon populaire, Korf réfléchit. Il avait demandé à être chargé de retrouver Joey Blanquette et Autodrôle dans le but de faire briller ses talents, qui étaient incontestables, et surtout pour faire oublier sa conduite maladroite envers Joey Blanquette. Maintenant qu'il avait repris son sang-froid, il ne se dissimulait pas toutes les difficultés de sa tâche. Il n'avait pour ainsi dire aucun fil conducteur, rien qu'un vague signalement de cet autodrôle, lequel, c'était certain, devait avoir vidé ses coffres-forts et ne remettrait plus jamais les pieds ni au comptoir général, ni dans aucune banque parisienne. Ah, peut-être avait-il déjà passé la frontière. Allons, doucement, pensa-t-il tout en mangeant avec une sage lenteur. Le deuxième Blanquette a assuré qu'il ne connaissait pas le premier, qui pourtant lui ressemblait et portait les mêmes vêtements que lui. Tous deux ont fait le même récit, preuve que s'ils ne se connaissaient pas, du moins ont-ils des connaissances communes. Autre chose, Joe Blanquette, le vivant, a dû guetter ma sortie dans le taxi où il se trouvait. Sans cela, il n'eût pu deviner que je le suivais. Et comment connaît-il mon nom? Aurait-il des complices à la sûreté? Ou m'aurait-il déjà vu? Mais où? Quand? Si Blanquette n'est pas contre nous, il n'est pas avec nous. Pourtant, personne ne l'obligeait à venir à moi. Il a dû lui aussi être surpris de la disparition du corps de son homonyme. Mais pourquoi s'est-il enfui? Toutes ces questions, Jérôme Korff se les posa mille et mille fois. Il les tourna et retourna dans sa tête sans leur trouver de réponse. Il acheva son dîner et sortit. Maintenant il pleuvait. Korff descendit dans le métropolitain et regagna son petit appartement de la rue Nollet. Il ne dormit guère, et le lendemain à l'aube fut debout. Ayant revêtu un costume de cheviotte et un ulster à carreaux, coiffé une casquette de voyage, il sortit et alla déjeuner dans une crèmerie de la place Clichy. Un taxi dans lequel il monta le conduisit au siège central du comptoir général. Sous le prétexte de se faire délivrer une lettre de crédit, Korff demanda à être introduit auprès de M. Garchant, le sous-directeur, à qui, une fois en tête-à-tête, il se fit connaître. « Je désirerais savoir depuis quand M. William Grant avait un coffre chez vous, quelle adresse il a donnée et quelle référence il a produite. »« Très facile, » fit M. Garchant. Il sonna, se fit apporter la fiche réglementaire où étaient consignés les renseignements fournis par le titulaire de chaque coffre. Coffre 1647, compartiment numéro 11, dit-il, au nom de Monsieur William Grant, citoyen américain, porteur d'une lettre de crédit de la Milwaukee and Michigan Banking Corporation, d'un montant de 7 000 $. Monsieur William Grant est porté comme habitant le gigantique palace. Le coffre est loué pour un an. Monsieur Grant n'avait pas de compte chez vous. Non. Il a touché sa lettre de crédit aussitôt son arrivée. C'est moi-même, je me le rappelle, qui ai donné l'ordre de la payer. Venait-il souvent à son coffre? Je sais qu'il y est venu hier pour le surplus. Il faudrait consulter les carnets à souches sur lesquels sont inscrits au fur et à mesure les visiteurs des coffres. Personne n'est jamais venu demander de ses nouvelles ici? Non, je ne crois pas. Attendez, je vais téléphoner au service des coffres. Si, un monsieur est venu il y a 4 ou 5 jours. Il était gros et chauve, bien habillé, des bagues énormes et un gros diamant à la cravate. Il n'a pas dit son nom. C'est l'employé chargé de la série des coffres allant de 1500 à 1800 qui l'a reçu. Il se le rappelle parfaitement. L'homme avait un léger accent étranger, c'est tout, et des guêtres. Je vous remercie, monsieur le directeur. Peut-être qu'avec ces renseignements, j'aboutirai à quelque chose, fit Korff, qui se retira sur ces mots. Il venait de recueillir quelques indices, mais combien vagues. Accent étranger, élégant, beaucoup de bijoux, c'était bien peu. Korff se souvint soudain que le pseudo-autodrôle était soupçonné d'avoir assassiné plusieurs personnes pour leur voler un lot de perles. Si c'était un marchand de perles, cet homme qui arbore tant de bijoux, pensa-t-il. Un taxi le conduisit rapidement devant le café où se réunissaient les marchands de pierres précieuses et qui constitue un des plus curieux coins de Paris. Debout sur les trottoirs, assis autour des tables, les négociants en pierreries traitent là d'importantes affaires. Des paquets de diamants, de rubis, de perles circulent de main en main. Certains lots valent plusieurs centaines de 1 000 francs et tout se fait en confiance, sans bruit, le plus simplement du monde. Korff, très tranquille, passa entre les groupes. Son œil exercé lui permit de constater qu'aucune des personnes présentes ne ressemblait même de loin à l'homme dont on lui avait donné le signalement. Il pénétra dans le café et se mordit la lèvre. Ce fut là son seul signe d'émotion. Deux hommes étaient assis sur une des banquettes et examinaient attentivement une douzaine de brillants étalés devant eux sur un papier bleu. L'un était petit, gros, chauve. Il avait des guêtres aux pieds et des bagues à tous les doigts, Et son compagnon lui disait: Je ne peux vraiment pas vous les payer ce prix, monsieur Argulian. Pensez qu'ils sont jaunes avec des crapauds. Ils se voient à peine. Un client ne s'en apercevra pas, assura le gros homme, c'est-à-dire monsieur Argulian. Korff n'avait pas bronché. Il alla s'asseoir à une table voisine, commanda une bavaroise au chocolat et se fit apporter le bottin. Il y trouva rapidement ce qu'il y cherchait. Argulian Nicolas, négociant en pierres précieuses, rue de Provence, 227. Muni de ce renseignement, Korff paya sa consommation et sortit. Dans le taxi qui l'emmenait vers la rue de Provence, il changea rapidement son déguisement en retournant ses vêtements. La maison du 227 rue de Provence, une vieille bâtisse du temps du Directoire, comme beaucoup d'immeubles du quartier, ne payait pas de mine. Korff pénétra chez le concierge à qui il montra sa carte de la préfecture. Je recherche un individu qui vient de temps en temps voir monsieur Argulian, dit-il. Voici son signalement. Et le policier décrivit minutieusement le prétendu auto-drôle dont le sous-directeur du comptoir général lui avait fait le portrait. Le concierge, après un instant de réflexion, murmura: Je crois que j'ai vu ce monsieur, mais il y a au moins 15 jours qu'il n'est plus venu. La dernière fois, il est venu avec monsieur Vacariades, un ami de monsieur Argillan. Ils sont restés très tard, jusqu'à 3 heures du matin, peut-être. Je les ai entendus sortir. Ce monsieur n'est venu en tout que 2 ou 3 fois, presque toujours avec monsieur Vacariades. Qui est ce monsieur Vacariades? Je crois qu'il vend des diamants, comme monsieur Argulian. Merci. Et une dernière question. Est-ce que monsieur Argulian n'a pas expédié un meuble il y a quelques jours? Mais si, le piano de mademoiselle Sonia, sa fille, qu'il a fait transporter à Enghien, dans leur villa. C'est bien cela, murmura Korff, qui, après s'être fait donner l'adresse de la villa du marchand de pierreries et avoir recommandé le silence au concierge, se retira. Un taxi, qu'il alla prendre un peu plus loin, le conduisit rapidement à la gare du Nord. Il n'était pas au bout de ses surprises.